L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Il y a quelques semaines, les Saguenayens de Chicoutimi ont nommé leur conseil d'administration. On sait que c'est une nouvelle façon de faire cette année et on a nommé Jean-Pierre Sainte-Ville comme responsable du haut du lac Saint-Jean. Il a parlé à Jean-Pierre Sainte-Ville sur c'est quoi ses attentes et quel sera son rôle avec les Saguenayens. Là, maintenant, on va parler au gouverneur et président de l'équipe, Richard Letourneau, pour savoir un peu comment ils ont procédé. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de candidatures? Comment ça se fait que ça a été aussi long? On lui passe. Bonjour, M. Letourneau. Oui, bonjour. Monsieur Letourneau, d'abord, avant de... Ça va bien. Avant de parler de toutes ces questions-là, début de saison, il faut pas paniquer, hein, quelque part. Là, ça, l'année passée, quand on voit le début de saison des Sags l'année passée, moi, je me dis, faut pas paniquer. C'est encore trop tôt pour paniquer, là. Oui, oh, effectivement, là, encore trop tôt pour paniquer. Vous savez, comme moi, que quelque chose qu'on contrôle pas, c'est les blessures. Quand tu as une blessure, quand ton gardien numéro 1, qui est supposé être ta pierre d'assise, est blessé, ben veut ou veut pas, ça dérange les plans. D'autant plus que les 7 premiers matchs, on en a joué 2 à domicile, puis on en a joué 5 à l'extérieur. Donc, sur ces matchs, on en a 2 à domicile, puis 5 à l'extérieur. Les 5 prochains matchs sont à domicile, donc on est bien confiant là, d'être capable de renverser la vapeur. Et surtout que jouer en Abitibi, c'est jamais facile. Les Huskies, c'est une équipe vraiment de battants. Écoute, c'est une équipe bien dirigée aussi. Vous avez joué 2 matchs-là, puis à Val-d'Or également. C'est pas un voyage facile. C'est pas vraiment celui-là, puis les Maritimes, c'est pas vraiment les voyages les plus difficiles. Oui, puis je veux dire, vous savez, dans une saison, comme disait Yannick Jean, une saison, c'est un marathon. Donc, des fois, il y a des matchs que tu serais supposé de gagner puis tu perds. Puis des fois, il y a des matchs que tu serais supposé de perdre puis tu gagnes. Effectivement, on a eu un match en Abitibi où on a eu 24 chances de marquer puis l'autre club en a eu 7 et on a perdu. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Hein? Non, oui, c'est sûr. On va y aller maintenant. Tout ça pour dire que je pense que c'est positif. Là, faut pas, effectivement, faut. C'est juste tannant parce que ça arrive en début de saison puis c'est le genre de choses qui frappe, là, mais il ne faut surtout pas être inquiet. Je pense qu'il faut avoir confiance en notre équipe. OK. On va y aller maintenant avec la nouvelle qui a eu lieu il y a environ une dizaine de jours. Marc Denis nous a dit qu'on n'a pas été déçus. Jean-Pierre Sainte-Ville, c'est un bonhomme, c'est un passionné de hockey, c'est un gars qui a été derrière Samuel Girard dans sa progression et beaucoup. Pourquoi Jean-Pierre Sainte-Ville au départ? Ouais, premièrement, je pense que tantôt vous avez parlé aussi là, que ça avait pris un certain temps. Ça a pris un certain temps parce que nous autres, on était quand même prêts depuis quelques semaines. Sauf que la problématique qu'on a eue, c'est que on avait pas mal tout ficelé notre entente avec la ville, mais vous savez, quand tu tombes dans une grosse organisation comme une ville comme la ville de Chicoutimi, de Saguenay, ben, tu te ramasses que de la mi-juin de la mi-juin à quasiment la fin août, là, c'est la période de vacances. Donc, quand c'est assez dur d'avoir tous les intervenants. Et c'est ce qui a fait que tout a retardé. Maintenant, pour ce qui est des choix, ben effectivement, moi, ça, c'est un petit peu à cause de vous là que j'avais mis ça un petit peu dans les obligations, dans nos obligations. Là. Ça fait un an. Qu'il y avait des autobus et qu'il y avait des gens du lac Saint-Jean qui venaient au match puis que maintenant qu'ils se sentaient délaissés un peu. Vous avez dit que c'est un bon point puis qu'on essaierait de remédier à ça. Donc moi, quand j'ai eu à analyser pour voir un peu qu'est-ce qui serait la meilleure organisation où on s'est dit, ben effectivement, il faut avoir des représentants du lac. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on ait au moins 2 représentants du lac. Par pur hasard, on en a 3. Mais effectivement, là, c'est parce que pour nous autres, on trouvait que c'était drôlement important qu'on ait du monde du lac. Oui. Maintenant, pourquoi Jean-Pierre Senneville, oui. Ben effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, M. Senneville est un passionné de hockey. Puis nous, ben, dans les critères qu'on avait, parce qu'effectivement, écoutez, j'avais eu au-dessus, moi, de 40 personnes qui avaient demandé à être sous le conseil. Puis naturellement, ben, on a quand même commencé par se mettre des critères. Puis le premier critère qu'on voulait, c'était quelqu'un qui avait de la passion. Deuxièmement, ben, effectivement, c'était quelqu'un aussi qui était impliqué dans son milieu, qui avait des bons contacts, puis qu'en même temps, ben, qui serait capable de nous aider au niveau de la recherche de commandites et autres. Puis, effectivement, ben, comme vous l'avez dit tantôt, M. Senneville est un passionné de hockey. Puis, effectivement, moi, j'avais rencontré M. Senneville au cours de la dernière saison au Saint-Georges. Il avait organisé une activité, pour, je pense, c'est pour son équipe de direction ou quelque chose du genre. Puis on avait discuté ensemble. Puis M. Senneville m'avait dit que, ben, effectivement, c'est un passionné de hockey, qui avait quand même travaillé pas mal avec Samuel Girard, puis qui aimerait, si on envoyait l'opportunité, là, de nous donner un coup de main. Fait que, je vous mentirais pas que ça n'avait pas tombé dans l'oreille d'un jour. Puis une fois que mon entente a été signée avec la ville, ben, je l'ai appelé. Puis effectivement, Jean-Pierre est avec nous. Puis je pense qu'on va être capable de faire un bon bout de chemin ensemble. OK. C'est le 3 à 4 rencontres par année que Jean-Pierre nous a expliqué. Donc, c'est sûr que ce sera un rôle également peut-être d'ambassadeur, monsieur. C'est ça un petit peu pour le Haut-du-Lac, pour les Saguenayens, Jean-Pierre? Effectivement, comme je leur ai dit, je leur ai écouté. C'est pas nous autres qui va avoir engagé par contre des écoutes, hein. Ouais. Parce qu'on s'occupe pas à s'occuper de ça. Mais effectivement, par contre, vous savez, un petit peu la formule que nous autres on a, c'est que les gestionnaires fondateurs font partie de l'exécutif, puis eux autres se rencontrent beaucoup plus régulièrement. Par contre, ben, on avait besoin, nous autres, d'avoir quand même des gens pour compléter le conseil. Puis ces gens-là, ben nous autres, on trouvait que c'était drôlement important qu'il y ait une base d'affaires pour qu'ils soient quand même capables de nous challenger aussi. Parce que veut ou veut pas, quand tu es dans l'opération du day-to-day de tous les jours, ben des fois, tu viens que tu te confortes dans tes affaires ou encore que étant donné que tu as trop le nez à l'extérieur des opérations, tu as un petit peu de difficulté à avoir une vue, d'avoir un petit peu de recul, d'avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que nous autres, on tenait quand même à se faire challenger par des gens d'affaires là, qui vont avoir si effectivement on travaille de la bonne façon, puis s'il y a des choses qu'on n'aurait pas à améliorer. Est-ce que vous avez une idée un petit peu? Temps, mais... Oui, on me dit que selon les études, on me dit que les études au Saguenay, pour les Marquis, c'est à peu près 20% de la clientèle viendrait du lac Saint-Jean. Est-ce que vous avez une étude un petit peu de où vient votre vos détenteurs de billets, que ce soit le billet de saison ou détenteur de billets journalier, exemple, ou de match? Est-ce que vous avez une étude là-dessus de fait? Puis, parce que ce serait quand même quelque chose de bien pour, si on veut travailler sur du long terme, on a 10 ans à travailler pour peut-être augmenter un peu le nombre de clients du lac Saint-Jean au Saguenay. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux emmener. Je vous comprends très bien, puis je me prends une grosse note parce qu'effectivement, écoutez, nous, on était, c'est sûr que quand on a eu à s'occuper du club l'année passée, naturellement, on a fait vraiment les choses essentielles. Puis effectivement, là, on a à regarder maintenant, là, et on se doit de le faire, là, de voir d'où vient notre clientèle. Ouais. Puis effectivement, là, je me prends un bon point, je me prends une bonne note, là, pour être capable de voir effectivement, là, il y a moyen de savoir qui vient du lac, surtout au niveau de... Pour les billets de saison, ça, il va y avoir moyen de le faire assez rapidement, mais à tout le moins au niveau des billets par match aussi, là, qu'on vend par match, là, je pense que ça va être drôlement important d'essayer de savoir. Parce que votre... qu'on va être capable, mais on va essayer de voir ça. Oui, parce que votre match que vous avez eu à Robertval, qui c'était un succès retentissant, à quelque part, peut-être que si c'est un exemple que je donne, il y a moins de monde qui vient de Dolbeau ou de Robertval, plutôt de Saint-Félicien ou encore d'Alma. Peut-être que c'est votre fameux match, vous pourriez le travailler là, de ce côté-là, votre match au concours pour publiciser les Saguenayens. C'est pour ça que C'est pour ça que je voulais en venir sur ce point. Oh, oui, exactement. Puis effectivement, je me prends une bonne note, là, puis on va essayer de voir de quel endroit que notre clientèle vient. Je pense que c'est un excellent point, là. Après ça, bon, on est capable de travailler sur nos forces puis sur nos faiblesses en même temps. OK. Parlons maintenant de votre match à Robertval. Moi, je sais qu'Hugo Maltais est très, très content. Parce que ils ont fait passer l'argent pour le hockey mineur. Est-ce que vous avez eu d'autres approches de d'autres organisations du hockey mineur depuis ce temps? Non. Non? Okay. À ma connaissance, non. Je vous réponds non vite, là, mais à ma connaissance, non. OK. Mais remarquez que quand même en début de saison, là. Ouais. Je veux dire, le match de Robertval s'est organisé quand même rapidement, là. À ma souvenance, ça a dû se régler. Le match a eu lieu au mois d'août. Puis je pense que ça a dû se régler au mois de juin, au mois de juin, je pense. Ça a été quand même assez rapide. Quand j'ai l'impression que s'il y a quelque chose, ça va de cette façon-là aussi. OK. Mais c'est parce que c'est au pas de dernière minute. Il me semble que moi, être président d'une organisation de hockey mineur, quand je vois que ça a été un succès retentissant, qu'il y a eu 6 000 $ d'amasser, me semble que le lendemain ou la semaine après, je commence à prendre des informations si on est vraiment intéressé. C'est juste pour ça que je me pose. Non, mais effectivement, vous avez entièrement raison. Et comme je vous dis, là, je peux pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, on n'a pas eu personne là, qui nous a demandé de quoi là-dessus. Monsieur Letourneau, très intéressant. Moi, je vous avais dit 10 minutes, j'en ai fait 11. Fait que je vous rappelle un autre tantôt. Monsieur Veilleux, ça m'a fait plaisir, puis gênez-vous pas. Oui, le président et gouverneur des Saguenay-Lac-Chicoutimi, Richard Letourneau.